Chapitre 63e. Herminie n'était pas seule à faire des préparatifs pour la signature de son contrat et de celui d'Ernestine. Tout était aussi en joyeux émoi dans certains modestes petits ménages des Batignolles. Le commandant Bernard, Gérald et Olivier avaient voulu ce soir-là se réunir à dîner sous cette même tonnelle où, plusieurs mois auparavant, s'était passée l'exposition de ce récit. L'on devait ensuite se rendre chez Herminie pour la signature du contrat. Une magnifique soirée d'automne avait favorisé le projet des trois amis. Madame Barbançon s'était surpassée. Cette fois, prévenue d'avance, elle avait pu soigner avec la plus grande sollicitude un triomphant pot-au-feu, auquel succédèrent de succulentes côtelettes, un superbe poulet rôti et des œufs à la neige, baignant leur blancheur immaculée dans une onctueuse crème à la vanille. Ce menu bourgeois atteignait au nec plus ultra des magnificences culinaires de Madame Barbançon. Mais, hélas, malgré l'excellence de ce repas, les trois convives y faisaient peu d'honneur. La joie leur ôtait l'appétit, et la ménagère, dans sa douleur, comparait cette désolante inappétence à la faim de soldat dont Gérald et Olivier avaient fait si vaillamment preuve plusieurs mois auparavant en mangeant deux fois de sa vinaigrette improvisée. Madame Barbançon venait de desservir le poulet presque intact. Elle plaça sur la table de la tonnelle les œufs à la neige, disant entre ses dents: au moins ils videront ce plat-là, ça se mange sans fin, c'est un mets d'amoureux. Le diable, maman Barbançon, dit joyeusement le commandant Bernard. Voilà un plat qui me rappelle les bancs de neige de Terre-Neuve. Quel dommage que nous n'ayons plus la moindre faim. Grand dommage, dit Gérald, car madame Barbançon s'est montrée aujourd'hui un vrai cordon bleu. Voilà des œufs à la neige comme on n'en voit jamais, ajouta Olivier. Mais du moins nous les mangeons du regard. La ménagère, ne pouvant croire encore à ce cruel dernier affront, dit d'une voix contenue: « Ces messieurs plaisantent. Plaisanter avec une chose aussi sérieuse que vos œufs à la neige, maman Barbançon, du diable si je l'oserais, » dit le commandant. « Seulement, comme nous n'avons plus faim, il est impossible de goûter à votre chef-d'œuvre. » « Absolument impossible, » répétèrent les deux jeunes gens. La ménagère ne dit mot, mais sa physionomie contractée trahissait assez la violence de ses ressentiments. Elle saisit convulsivement une assiette, y servit presque la moitié du plat et la plaça devant le commandant ébahi, en lui disant avec un accent d'irrésistible autorité: « Vous, monsieur, vous en mangerez. Maman Barbançon, écoutez-moi. Il n'y a pas de maman Barbançon qui tienne. C'est la seconde fois que j'ai l'occasion de faire des œufs à la neige depuis 10 ans. Je les ai soignés en l'honneur du mariage de monsieur Olivier et de monsieur Gérald. Il n'y a pas de si ni de mais, vous en mangerez. » L'infortuné vétéran, ne voyant autour de lui que des visages ennemis, car Gérald et Olivier, les traîtres, paraissaient soutenir la ménagère, le vétéran essaya pourtant un accommodement. « Eh bien, j'en mangerai demain, vrai, maman Barbançon. Comme si des œufs à la neige se gardaient, » dit la ménagère en haussant les épaules. « Pourtant, je ne... vous en mangerez à l'instant. »« Mais par les cornes du diable, » s'écria le vétéran. « Je ne peux pourtant pas me crever pour... vous crever, avec des œufs à la neige faits par moi. » s'écria la ménagère, avec autant d'amertume et de douleur que si son maître lui eût dit une mortelle injure. « Vous crevez. Ah, je ne m'attendais pas. Après 10 ans de service, et dans un si beau jour que celui d'aujourd'hui où M. Olivier doit prendre femme, à m'entendre traiter de la sorte. » Et la digne femme se prit à sangloter. « Allons bon, des larmes à présent, » dit le vétéran. « Mais en vérité, ma chère, vous êtes folle, ma parole d'honneur. Vous crevez. Je l'aurai longtemps sur le cœur, ce mot-là. Allons, tenez, j'en mange, là, voyez-vous, j'en mange, » dit le malheureux commandant, en avalant à la hâte quelques cuillerées. « Ils sont parfaits, divins, vos œufs à la neige. Êtes-vous contente ?»« Eh bien oui, monsieur, là, ça me satisfait, » dit la ménagère en essuyant ses larmes. « Une si bonne crème, même que je me disais en la tournant. Il faudra que je donne ma recette à la petite femme de monsieur Olivier. Pas vrai, monsieur Olivier ?» « Certainement, madame Barbançon. Mademoiselle Ernestine sera, j'en suis sûr, une excellente ménagère. »« Et les cornichons, que je lui apprendrai à faire, verts comme prés, croquants comme des noisettes. Soyez tranquille, monsieur Olivier. Vous verrez les bons petits fricots que nous vous ferons, nous deux, votre femme. » Gérald, à qui monsieur de Maillefort avait dû confier le secret du double personnage de mademoiselle de Beauménil, Gérard ne put s'empêcher de rire aux éclats à cette pensée de Madame Barbançon communiquant ses recettes culinaires à la plus riche héritière de France. « Vous riez, monsieur Gérald, » dit la ménagère. « Est-ce que vous croyez que mes recettes... »« Allons donc, Madame Barbançon, j'y crois comme à l'évangile, la bonne recette. Je ris parce que je suis content. Que voulez-vous ? Un jour de mariage, c'est si naturel. » « Cependant, » reprit Madame Barbançon d'un air sombre et mystérieux, « l'on a vu des monstres qui n'étaient que plus féroces le jour de leur mariage. »« Ah bah !»« Tenez, monsieur Gérald, le jour de son mariage avec Marie-Louise, savez-vous comment il s'est comporté le scélérat ?» Madame Barbançon croyait superflu de signaler par son nom l'objet de son exécration. « Voyons ça, maman Barbançon, » dit le commandant Bernard. « Après, vous nous donnerez le café, car voilà bientôt 6 heures. » « Eh bien, monsieur, celui que vous aimez tant a été le jour de son mariage avec Marie-Louise, pire qu'un tigre pour cet amour de petit roi de Rome, qui, joignant ses petites mains, lui disait de sa petite voix douce « Papa empereur, n'abandonne pas, pauvre maman Joséphine. »« Ah, très bien, j'y suis, » dit Gérald avec un beau sang-froid. « Vous parlez du roi de Rome, fils de Joséphine. »« Certainement, monsieur Gérald, il n'y en a pas d'autre. Mais ça n'est rien encore auprès... » de ce que notre scélérat osait faire au Saint-Père, sur les propres marches du maître-autel de Notre-Dame. Ah, diable ! Et quoi donc ? Il y paraît, reprit Madame Barbançon d'un ton sentencieux, il paraît que dans les couronnements, les papes ont l'amour-propre. Tiens, après tout, un chien regarde bien un évêque, ajouta la ménagère en manière de parenthèse. Les papes ont donc l'amour-propre de prendre la couronne et de la mettre eux-mêmes sur la tête des autres quand ils les couronnent. Vous pensez comme ça chaussait votre Bonaparte, qui était déjà comme un crin d'avoir eu à baiser la mule du pape en plein carrousel, devant ses sacripants de la vieille garde. Mais il l'a baisé, le scélérat, il l'a bien fallu. Sans cela, le petit homme rouge, qui était contre Roustan et pour le pape, lui aurait pendant la nuit tordu le cou. Au pape? À Roustan? Mais non, messieurs, mais non, à Bonaparte. Enfin, n'importe. Au moment où notre Saint-Père allait le couronner, voilà-t-il pas mon scélérat d'ogre de Corse qui vous empoigne, comme un grossier qu'il était, la couronne des mains du pauvre Saint-Père se la met d'une main sur la tête, tandis que de l'autre main, il vous flanque un grand renfoncement sur le bonnet du Saint-Père, comme pour dire au peuple français, « Enfoncez la religion, le clergé et tout, il n'y a que moi qu'on doit adorer à genoux. » Même que, du contre-coup, le pauvre Saint-Père est tombé assis sur les marches de l'autel, avec son bonnet enfoncé sur les yeux, et qu'il a remercié la Providence en latin. « Agneau d'homme va. C'est donc pour vous dire, monsieur Olivier, » ajouta la ménagère en forme de conclusion et de moralité, « qu'il y a des ogres de Corse que le mariage rend encore plus féroce. Tandis que je suis sûr que vous et monsieur Gérald, le mariage avec de gentilles petites femmes comme doivent être les vôtres, vous rendra encore plus gentil. » Et la ménagère se hâta d'aller chercher le café et de le servir, pendant que le commandant Bernard bourrait sa vieille pipe de cumeur. À l'hilarité causée par les histoires de Madame Barbançon, succéda chez le vieux marin et chez les deux jeunes gens un ordre d'idées plus élevé. Cette brave femme, reprit Gérald, malgré toutes ses excentricités, a raison en cela qu'elle nous dit que notre mariage augmentera ce qu'il y a de bon en nous. Il me semble que cela doit être ainsi, n'est-ce pas, Olivier ? Mais, voyant son ami absorbé dans une sorte de rêverie, Gérald lui mit affectueusement la main sur l'épaule et lui dit « À quoi penses-tu, Olivier ?»« Je pense, mon bon Gérald, qu'il y a 6 mois, nous étions assis à cette même table, où je t'ai parlé pour la première fois de cette charmante jeune fille surnommée la Duchesse, et que tu m'as dit en riant, « Bah, les Duchesses, je ne connais que cela, j'en ai assez. » Et pourtant la voilà, grâce à toi, vraiment Duchesse et Duchesse de Sainte-Terre. Combien les destinées sont bizarres. « Vous avez raison, mes enfants, » dit le vieux marin. Il y a un grand charme dans ce regard jeté sur le passé, quand le présent est heureux. Il y a 6 mois, en effet, qui m'aurait dit que mon brave Olivier épouserait une gentille et vaillante créature qui m'aurait sauvé la vie au péril de la sienne. Et qui eût dit surtout, reprit Gérald en regardant très attentivement Olivier, que cette mademoiselle de Beauménil, dont nous avons tant parlé, et sur qui on avait pour moi des projets de mariage, deviendrait amoureuse d'Olivier. Ne parlons plus de cette folie, Gérald, dit en riant le jeune officier. Un caprice d'enfant gâté, caprice qui, j'en suis sûr, se serait passé aussi vite qu'il était venu. « Tu te trompes, Olivier, » reprit gravement Gérald. « J'ai eu occasion de voir Mademoiselle de Beauménil et de causer avec elle. Aussi, je t'assure que, quoiqu'elle ne soit pas plus âgée que ta chère et charmante Ernestine, ce n'est pas une enfant capricieuse et gâtée, mais une jeune fille remplie de raison et d'esprit. « Mon avis à moi, reprit gaiement le commandant Bernard, est que mademoiselle de Beauménil est du moins une fille de très bon goût, puisqu'elle voulait de mon Olivier. Mais il était trop tard, la place était prise, par notre chère petite Ernestine, qui n'a pas de millions à remuer à la pelle, c'est vrai, mais qui a bien le plus vaillant petit cœur que je connaisse. « Oui, vous avez raison, mon oncle, reprit Olivier, la place était prise, oh, bien prise, et ne l'eût-elle pas été? Que veux-tu dire ?» reprit Gérald en regardant son ami avec une attention croissante. « Si tu as vu le cœur libre, pourquoi n'aurais-tu pas épousé mademoiselle de Beauménil ?»« Allons, Gérald, tu es fou. Comment ? Rappelle-toi donc ce que toi-même disais ici à cette table il y a quelques mois. Qu'un homme puissamment riche épouse une jeune fille pauvre parce qu'elle est charmante et digne de lui, tout le monde l'approuve. Mais qu'un homme qui n'a rien se marie à une femme qui lui apporte une fortune énorme, c'est honteux. Ne sont-ce pas là les paroles de Gérald, mon oncle ? Précisément, mon garçon. Un instant, s'écria Gérald, qui ne put s'empêcher de témoigner une vive inquiétude. Rappelle-toi aussi, Olivier, que tu me disais toi-même, pour vaincre mes scrupules au sujet de mademoiselle de Beauménil. Il est évident que si, malgré son immense fortune, tu aimes aussi sincèrement cette jeune personne que tu l'aurais aimée pauvre et sans nom, la susceptibilité la plus ombrageuse ne pourrait qu'approuver un pareil mariage. Je vous demande à mon tour, mon commandant, si tel n'a pas été l'avis d'Olivier que vous avez vous-même partagé. C'est vrai, monsieur Gérald, et rien n'était plus raisonnable et plus juste que cet avis-là. Mais, Dieu merci, nous n'avons pas à examiner de nouveau cette question toujours si délicate. Olivier a agi en honnête homme en refusant ce mariage millionnaire parce qu'il aimait ailleurs, c'est bien. Mais c'est tout simple, et ce n'est par Dieu ni vous ni moi, n'est-ce pas, monsieur Gérald, qui nous étonnerons de cela, puisque vous faites, comme Olivier, un mariage d'amour. « Oh, d'amour, c'est le mot !» dit le jeune officier avec expansion. « Ernestine est si douce, si bonne, si spirituelle dans sa naïveté. Et puis la pauvre enfant est si reconnaissante de ce qu'un gros seigneur comme moi, » ajouta Olivier en souriant, « veuille bien l'épouser. Et puis encore, si tu savais, Gérald, quelle ravissante lettre elle m'a écrite hier, pour me dire que sa parente consentait à tout, et que si mes intentions n'étaient pas changées, le contrat se signerait aujourd'hui. Rien de plus simple. Et pourtant rien de plus délicat, de plus touchant que cette lettre, où un naturel exquis perce à chaque ligne. Du reste, Ernestine est telle que je l'avais d'abord jugée d'après sa physionomie. On en peut voir de plus attrayante, dit le vieux marin. N'est-ce pas, mon oncle ? Elle n'a pas sans doute de régularité dans les traits, mais quel doux regard, quel charmant sourire, avec ses jolies dents blanches. Et ses beaux cheveux bruns, sa taille élégante, et sa main si petite, et son pied à tenir dans la main. « Olivier, mon garçon, » dit le marin en tirant sa montre, « à force de parler de ton amoureuse, tu oublies l'heure d'aller la rejoindre, sans compter qu'il faut que M. Gérald ait le temps de se rendre auprès de sa mère pour être de retour avec elle chez Mademoiselle Herminie. « Nous aurons le temps, mon commandant, » dit Gérald, « mais je ne puis vous dire combien je suis heureux de voir Olivier si amoureux. « Si amoureux de toute façon. » de son Ernestine. Oh, de toute façon, mon brave Gérald, sans compter que je l'aime encore passionnément, parce qu'elle est la meilleure amie de ta vaillante Herminie. Tiens, Olivier, dit Gérald, c'est à devenir fou de penser à tant de bonheur réuni, à une félicité pareille, après tant de difficultés, tant d'obstacles. Allons, à tout à l'heure, mon ami, mon frère, car nous pouvons nous dire que nous épousons les deux sœurs, ou qu'elles épousent les deux frères, et ma foi, les larmes me viennent aux yeux. « Malgré moi. Allons, embrasse-moi, Olivier. Vaut mieux que ça parte ici. Nous aurions l'air par trop bêtes devant les grands-parents. » Et les deux jeunes gens s'embrassèrent avec une tendresse fraternelle, pendant que le commandant Bernard, voulant maintenir sa gravité de grand-parent, dissimulait son émotion en fumant sa pipe avec des aspirations étrangement précipitées. Gérald sortit en toute hâte afin d'aller retrouver sa mère et de se rendre avec elle chez Herminie. Olivier et le vieux marin s'apprêtaient à sortir lorsqu'ils furent arrêtés par Madame Barbançon, qui, s'avançant à pas compter, tenait étendue sur la paume de ses deux mains, de crainte de la salir, une superbe cravate de mousseline blanche, toute pliée, prête à être mise, que l'emploi rendait d'une raideur effrayante. « Que diable est cela, maman Barbançon ? » dit le vétéran qui avait déjà pris sa canne et son chapeau. « On dirait que vous portez une châsse à la procession. » « Monsieur, » dit la brave ménagère avec une joie contenue, « c'est une cravate pour vous, une petite surprise que je me suis permis de vous faire, sur mes économies. Car vous n'avez que votre vieille cravate noire à mettre pour ce jour, ce beau jour, et j'ai pensé que... » La digne femme, que le mariage d'Olivier portait à l'attendrissement, n'acheva pas et se mit à fondre en larmes. Le vieux marin, quoiqu'il rejabât intérieurement contre la pensée d'emprisonner son cou dans cette étoffe raide comme du carton, fut si touché de l'attention de sa ménagère qu'il dit d'une voix un peu émue « Ah, maman Barbançon, maman Barbançon, voilà des folies, je vous gronderai. » « Elle est brodée aux quatre coins d'un J et d'un B, Jacques Bernard, » dit la ménagère, en faisant remarquer cette broderie avec un certain orgueil. « C'est pourtant vrai, c'est mon chiffre. Vois donc, Olivier, » dit le bonhomme, ravi de cette attention. Et il reprit « Brave et bonne femme, allez, vrai, ça me fait plaisir, mais bien plaisir. »« Oh, merci, monsieur, » dit Madame Barbançon, toute émue, toute joyeuse, comme si elle eût reçu la plus généreuse récompense. Puis elle reprit « Mais il se fait tard. Voilà 6h30 passées. Vite, monsieur, je vais vous la mettre. »« Mettre quoi, maman Barbançon ?»« Mais la cravate, monsieur. »« Moi ?»« Du diable, si. » Un coup d'œil suppliant et significatif d'Olivier. Le vieux marin réfléchit au chagrin qu'il causerait à sa ménagère en refusant de se parer de ses dons. D'un autre côté, le bonhomme n'avait de sa vie mis de cravate blanche et il frémissait à l'idée de cette espèce de carcan. Cependant, sa bonté naturelle l'emporta. Il étouffa un soupir et livra son cou à Madame Barbançon en disant, afin de terminer sa phrase, d'une manière flatteuse pour sa gouvernante, « Je voulais dire, du diable si je refuse, Maman Barbançon, mais c'est trop beau pour moi. »« Il n'y a rien de trop beau pour un pareil jour, monsieur, » dit la ménagère, en finissant d'arranger la cravate autour du cou de son maître. « C'est bien dommage que vous n'ayez pour vous faire de la fête que ce vieil habit bleu qui date déjà de 7 ans. Mais enfin, avec votre belle croix d'officier de la Légion d'honneur, cette rosette neuve et du beau linge, » ajouta la ménagère, qui, se complaisant dans son œuvre, donnait un libre essor aux deux bouts de la cravate, qui se déployèrent comme deux oreilles de lièvre gigantesques. « Oui, » reprit-elle, « avec du beau linge coquettement mis, l'on a à rougir à côté de personne. « Ah, monsieur, » ajouta-t-elle, en se reculant de quelques pas pour mieux juger de l'effet de la cravate. « Ça vous rajeunit de 20 ans avec votre barbe fraîche, n'est-ce pas, monsieur Olivier? Et puis c'est cossu, parole d'honneur, vous avez l'air d'un notaire retiré. » Le malheureux commandant, le cou emprisonné dans cette cravate qui lui montait jusqu'au milieu des joues, se tourna tout d'une pièce en face d'une petite glace placée au-dessus de la cheminée de sa chambre, et il faut l'avouer, le digne homme se raccommoda fort avec la cravate blanche, dont le nœud à oreille de lièvre lui paraissait surtout d'un fort bon air. Il se sourit discrètement à lui-même en se disant « C'est dommage que ça vous empêche de tourner la tête, mais comme dit maman Barbançon, ajouta-t-il avec une nuance de fatuité, c'est assez cossu et pas mal rentier. » Et le vieux marin passa, ma foi, très coquettement sa main dans ses cheveux blancs coupés en brosse. « Mon oncle, voilà 7h-15 », dit Olivier avec une impatience d'amoureux. « Allons, mon garçon, partons. Maman Barbançon, donnez-moi ma canne et mon chapeau, » dit le vieux marin, en se mouvant tout d'une pièce, car il craignait de déranger l'économie du fameux nœud à oreille de lièvre. La soirée était magnifique. Le trajet des Batignolles à la rue de Monceau, fort court. Le commandant Bernard et Olivier se rendirent modestement à pied chez Herminie. Heureusement, le mouvement involontaire de la tête porta quelque atteinte aux plis rebelles de la terrible cravate du commandant, et s'il avait l'air moins cossu, moins rentier, lorsqu'il fut sur le point d'entrer chez Herminie, rien du moins dans la mise plus que modeste du vieux marin ne nuisait à la noble expression de sa mâle et loyale figure.